qu'on m'avait dit depuis toujours. Tu ne vieilliras pas comme ça. La révolte ne dure qu'un jour. Après, on oublie tout ça. J'attends en vain qu'elle se tasse, qu'elle s'émousse ma rage. Sur la touche comme hier en marche, je ne peux rien y faire. Les mêmes mauvaises manières, toujours en avance d'une guerre. Le quotidien, parfois on en crève. La réalité ne suffit pas. Je ne suis pas une statue de pierre, mes rêves ils ne les tueront pas. Ma fronde n'aura pas de trêve, quitte à chuter 10 fois, 100 fois. Le vieux monde toujours derrière. Je cours et je ne m'arrête pas. Sur la touche comme hier en marche, je ne peux rien y faire. Les mêmes mauvaises manières, toujours en avance d'une guerre. Perdant, crucifié, paria. Ils nous ont retiré l'échelle. Fils du peuple, tu n'as pas le choix. Fils du peuple, tu n'as pas le choix. Tu danses et tu combats. Fils du peuple, tu n'as pas le choix. Tu danses, tu ne t'arrêtes pas. Tu danses, tu ne t'arrêtes pas. Tu danses, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas.